Tu as parlé de la danse il y a quelques minutes et le fait que c'était un vecteur différent de la peinture parce qu'on ne voyait pas le résultat aussi directement, ça passe plus par le regard des autres. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Et sur la façon dont tu l'utilises en atelier? Alors, la danse, je l'utilise soit dans l'expression individuelle, l'émergence individuelle, soit en groupe. Très peu encore à l'heure d'aujourd'hui, hein, dans le travail, tu en as fait l'expérience, très peu en émergence individuelle pour l'instant, parce que la danse, c'est le corps. Le corps a beaucoup, l'expression du corps a beaucoup été contrariée par la projection identitaire, puisque c'est ça qu'on voit de moi. Donc la gestuelle, qu'est-ce qui est joli, qu'est-ce qui n'est pas joli, qu'est-ce qui est pudique, qu'est-ce qui n'est pas pudique, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer, qu'on voit de moi. Voilà. Et donc c'est plus direct, l'expression par le mouvement, parce que c'est le corps qui exprime directement et c'est directement le corps qu'on voit. Alors que dans une peinture, c'est la trace du geste, c'est très différent. L'impact visuel est direct. Et donc, en ce moment, pour l'instant, en tous les cas, lorsque j'accompagne dans l'expression par le mouvement, sauf si je le fais avec des danseurs ou des danseurs professionnels, je commence plutôt par un travail par le groupe et pour que la dimension unitaire du groupe soit le vecteur majoritaire qui va sous-tendre l'émergence individuelle dans le groupe. Et c'est par exemple des expériences comme tu as pu vivre dans ton premier stage, où sur une musique, on va rentrer dans un rythme, voilà, qui est un rythme collectif extrêmement simple, par une ondulation du groupe. Voilà. Et mon propos dans ce type de travail, c'est par le rythme d'amener l'individu et le groupe à être ce que j'appelle dans le rythme plutôt que sur le rythme. J'ai fait cette expérience avec des danseurs professionnels, extrêmement saisissante pour moi, des danseurs qui faisaient des choses tout à fait merveilleuses, un déploiement de leur corps exceptionnel, et de me rendre compte que certains danseurs, énergétiquement, dansaient sur le rythme plutôt que dans le rythme. Et j'en ai fait l'expérience directe en faisant des exercices de danse avec un danseur professionnel, et j'ai été en difficulté. Parce que dans ma façon de vivre le rythme, en fait, d'être dans le rythme, ma façon d'être dans le rythme, c'est non pas d'être induite par l'extérieur, par le rythme, pour être sur le rythme, par le mouvement, mais de rentrer dans le rythme de telle façon à ce que dans le rythme musical, mon rythme vital, qui est une pulsation énergétique, imperceptible, qui se trouve au niveau ici, de notre plus grande énergie physique, qui est l'énergie sexuelle créatrice, en fait, que mon rythme vital, voilà, soit au mieux de son expression. Voilà. Donc c'est comme ça que je danse, en fait. Et c'est comme ça que, par le mouvement, j'amène d'abord le groupe à sentir ça de façon unitaire, de telle façon ensuite que le vecteur de travail, si j'amène quelqu'un dans une émergence spontanée, personnel, donc individuel, le groupe, le vecteur de travail soit sous-tendu par ça, en fait. Donc je suis très attentive dans la musique, beaucoup, un peu moins dans la peinture parce que ça se perd moins, mais dans la pratique musicale, qu'elle soit vocale ou qu'elle soit instrumentale, ou dans la danse, je fais très attention au rythme vital, comment est le rythme vital de l'individu et de la somme des individus qui constituent le rythme. Tant que ce rythme vital n'est pas suffisant, l'émergence ne va pas être suffisamment puissamment cohérente et elle va être rattrapée par tout un tas d'autres systèmes que j'appelle des systèmes de la sexualité inversée qui sont induits par des attachements identitaires, tout un tas de choses. Et donc au niveau de la qualité, ça va être très dommageable. Ouais, on va y revenir à la sexualité inversée.